temps qui passe, jamais ne passe. Les souvenirs des beaux jours passent. Oh, la jeunesse, toi qui laisses dans des tendresses de te droguer. Où est passé ma bohème? Où sont passés les beaux jours? Les nuits bercées que je t'aime et les poèmes j'y pense toujours. Pour les jeunesses, moi qui laisse dans des tendresses de regret. Où est passée ma bohème? Où sont passés les beaux jours? Les nuits bercées toujours, tout quand j'y pense.